L'automne est arrivé et vous avez des problèmes électriques? Les électriciens du Nord sont la solution en affaires depuis près de 40 ans. Les électriciens du Nord possèdent une équipe expérimentée à des prix très compétitifs. Que ce soit pour le commercial, industriel ou résidentiel, nous vous apporterons la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Téléphonez au 418-347-5103. Le personnel et la direction des électriciens du Nord vous rappellent que acheter chez nous préserve des emplois. On n'a pas parlé encore des Marquis de Jonquière. On va le faire maintenant. On va parler avec l'instructeur-chef Richard Martel. Les Marquis qui ont joué deux matchs ont commencé leur saison en fin de semaine et de belle façon, deux victoires. On rejoint l'instructeur-chef des Marquis, Richard Martel. Bon après-midi, Richard. Oui, bonjour. Richard, content du début de saison et content du camp d'entraînement que les joueurs ont, les efforts que les joueurs ont fait durant le camp? Oui, je suis bien content. On a pris une bonne décision de faire le camp d'entraînement juste presque le nombre de joueurs qui débutaient la saison. Ça a été plus facile. Alors, bien content à venir jusqu'à date. Plus facile à évaluer aussi. On peut évaluer plus. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Tu sais, comme les Canadiens qui commencent à 60 joueurs, l'évaluation est difficile à faire. Là. C'est un. Ben non, c'est pas. Non, mais attends un petit peu. Là. Ouais. Parce que là, nous autres, là, on n'a pas de plus de ferme. Oui. On n'a pas de plus de ferme. On prend-tu, on pratique pas toute la semaine. Ça, c'est pour ça que, puis les gars, quand ils commencent, ils sont sur des contrats. Tu sais, c'est pas du tout la même chose. Pour ça, arrive-moi pas avec les Canadiens, mais je veux juste te dire que pour notre ligue, là, si j'étais avec les Canadiens de Montréal, je ferais des camps à 60. Ça, c'est sûr. OK. Mais avec nous autres, là, c'est parfait comme ça à 23, 24 joueurs. C'est bien correct parce qu'on s'habitue tout de suite à placer nos trios, à aller chercher une cohésion, tout ça. OK. Y a-t-il des joueurs qui vous ont plus impressionné que d'autres durant ce camp? Durant le camp, ça a été Stéphane Chaput puis Kenel qui ont été très bons. OK. Justement, durant les matchs en début d'année, ils ont été très bons aussi. Ouais. Fait que eux autres, c'est une. Je te dirais que c'est. À date, là, c'est une agréable surprise. OK. Il y a un joueur qui vient d'ici, Simon Tremblay, de Dolbeau-Mistassini. C'est un joueur que moi, j'ai suivi régulièrement, qui a joué pour les Saguenayens. Je l'avais perdu un peu de vue, et je pense qu'il a fait du hockey universitaire dans le coin de Trois-Rivières. Bon, il n'a pas joué en fin de semaine. Son évaluation de Simon et les plans que tu entends faire avec? Là, présentement, ce qui est difficile, là, on a 23 joueurs, puis là, on commence l'année, donc... Ouais. T'sais, on peut pas, on joue à 19 joueurs. Là, c'est difficile un petit peu d'évaluer tout le monde durant la saison, mais durant le camp, Simon, il a été très bon. Okay. Puis, je pense qu'il va falloir qu'il joue dans le futur. Là, on va regarder. Dans son cas, si on est capable de le faire jouer une fin de semaine sur deux ou une fin de semaine sur trois, si on n'est pas capable, on va être obligé de réajuster le tir puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il fasse une bonne année de hockey. Peut-être qu'on va le changer pour un an, ça peut arriver. Okay. Alors là, présentement, parce qu'il faut qu'il joue, ça va être un bon joueur, ça, dans la ligue tantôt, puis jeune en plus. Alors, si on est capable de faire jouer dans les deux, trois prochaines années, ça va être très profitable pour les Marquis de Jonquière, en autant qu'on le rapatrie après. Oui, c'est un joueur que moi, de ce que je connais, c'est un joueur d'énergie. Dans votre ligue, je pense qu'il peut jouer quoi, troisième, quatrième trio, à peu près, jouer un joueur d'énergie? C'est à peu près ça que vous le voyez. Ouais, là, ça veut que... Moi, écoute, Marvin, moi, ce que j'aime pas... Là, je voudrais pas que tu me casses la tête avec un, deux, trois, quatre trios. Ouais. C'est un gars qui peut jouer régulier dans notre ligue. Laisse faire un point. Moi, parce que là, je vais te dire quelque chose. Là. Moi, quand il y en a qui m'arrivent, ils disent... Lui, il peut pas jouer sur un troisième trio. Il faut qu'il joue ses deux premiers. Pourquoi il peut pas jouer sur un troisième trio? Tu sais, là, c'est une farce, ça. Là, il y a des coachs qui pensent de même. Faire attention. Pourquoi que... Le troisième trio de Canadiens, là, ils ont-tu un peu de talent sur le troisième trio? Si Desharnais joue troisième centre, il peut-tu jouer sur un troisième trio? Non, parce qu'il doit jouer dans les six premiers. Mais s'il n'y a pas de place pour lui dans les six premiers, il va jouer où? Quatrième, cinquième? C'est pour ça que le troisième trio, c'est un mythe, ça. Il ne peut pas jouer sur le troisième trio. Moi, je pense que Simon Tremblay peut jouer régulier dans cette ligue-là tout à l'heure. OK. Tu sais, dans le futur. Mais comme je te dis, il faut qu'il joue. Parce que il a du caractère. Oh, oui, c'est un joueur. C'est un gars d'énergie. C'est, ouais. C'est un joueur qui a du caractère. C'est pas une question d'énergie. C'est un joueur qui, quand il fait patinoire, il se passe de quoi? Philippe Paradis, c'est un autre joueur, ça, je t'en avais parlé, Richard, vous l'aviez repêché, la dernière entrevue que j'avais faite avec, j'ai dit, regarde-le, Philippe Paradis, je suis pas sûr qu'il va revenir avec le Lightning, l'organisation des Lightning, vous l'avez repêché. Moi, j'y ai parlé cet été, ça l'intéressait pas, la fois que j'y ai parlé, je sais plus du tout ce qui est rendu, là, malheureusement, parce qu'il y avait... Dans la Ligue américaine, il a signé dans la Ligue américaine. Ok, il a signé dans la Ligue américaine, ok. Donc, mais éventuellement, c'est un gars quand même qui va revenir. Je pense qu'il y a une fenêtre pour faire la Ligue nationale, puis je pense que sa fenêtre est pas mal éteinte. Ouais. Puis éventuellement, ça va revenir, ça. Ouais. Ben, je sais pas, là. Ouais. Ils reviennent tous un jour. Ouais. Tu me dis, bah, éventuellement. C'est pas vraiment donné qu'ils vont aller encore dans la Ligue. Mais c'est sûr que c'est la dernière option, la Ligue nord-américaine, ouais, ces joueurs-là. Là. Okay. OK. C'est sûr qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut. Il faut les laisser aller, puis à un moment donné, ils vont nous apparaître quand ils vont arriver à un certain âge, puis ils n'auront plus d'options. OK. Quand tu étais rentré dans la Ligue nord-américaine, tu parlais que, bon, il y a des choses que tu aimerais améliorer, tu aimerais avoir des idées. Jusqu'à maintenant, ça fait quoi? Ça fait 8-9 mois que tu es dans la Ligue nord-américaine. Est-ce que tu vois que ça progresse beaucoup? Je vais voir plus, là, durant les matchs. OK, on a eu des réunions. Ouais. Parce que là, dans tout et partout, là, j'ai cinq matchs de dirigés dans la Ligue. Là. OK, OK. Mais je peux te dire qu'il y a du bon vouloir d'améliorer les choses. Puis on a discuté pour les arbitres et tout ça. Alors, pour améliorer le système d'arbitrage. Puis on a placé un gars dans le comité de discipline, un préfet de discipline qui est Phil de Gagné. Il y a des petites choses qui se font, là. Oui. C'est le gros point à améliorer, surtout. C'est le gros point amélioré dans l'Union américaine, hein? C'est le qui presse le plus, je pense, hein? L'arbitrage. Oui, hein? Okay. L'arbitrage puis suspension. OK. Quand il y a des coups d'imbécile, il faut que ce soit suspendu, il faut arrêter. C'est sûr. Richard, je voulais également parler de l'ambiance au Palais des Sports. J'imagine que tu aimes ça. Comment tu trouves l'ambiance au Palais? Très bonne ambiance. Oui, hein? Mais là, je l'ai vu, mais là, c'était le premier match qu'on a joué ici, il y avait 1700. OK. On va attendre, mais c'est une bonne ambiance. Moi, si tu me parles de l'ambiance qu'il y avait dans les séries l'an passé, c'était une ambiance c'était électrisant, là. C'était terrible, c'était électrique. Il y avait une fièvre. Alors, attends, là, mais même les spectateurs qui sont venus, ils n'en revenaient pas. Alors, c'est pour ça que cette année, on s'attend à ce qu'il y ait des nouveaux détenteurs de billets de saison, puis des nouveaux fans, parce qu'ils ont bien aimé ça à la fin de l'année. OK. En terminant, Richard, je veux te parler aussi de si jamais, est-ce que tu as mis le croix définitif sur la Légion majeure du Québec? Quand on voit un Claude Bouchard qui est revenu après avoir passé par la Ligue américaine, je me dis c'est pas impossible. Est-ce que Richard Martel a mis le croix définitif ou il va y aller année par année? Wow. Écoute bien, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui m'ont fait signe. Amener jusqu'à maintenant, ça fait que... Tu sais, puis là, plus ça va... J'ai beaucoup moins de motivation pour la Ligue, là. OK. Tu sais, je veux dire, les voyages en autobus de 17h, 18h, là. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, là, je suis tanné un petit peu, là. Tu sais, c'est juste ça. Si je dis pas... s'il y a vraiment une offre extraordinaire, tu sais, on verra. OK. L'histoire de politique, ça a parti de où, ça, cette histoire-là? Pourquoi t'as ton nom... Là, c'est en nombre, là. Oui. Là, oui. Tu me demandes ça en ordre? Oui. C'est parti que le... J'étais allé au Vieux-Port rencontrer, tu sais, c'était le brunch, pas le brunch, mais le cocktail Justin Trudeau. Okay. C'est là que j'ai rencontré des politiciens de la ville. Puis là, ils ont discuté avec moi. Puis ils m'ont demandé si j'avais déjà eu de l'intérêt ou... moi, je leur ai dit déjà dans le passé, ça. Oui, comme ci, comme ça. Puis après, ils m'ont rencontré. OK. Tu sais, j'ai pas demandé d'être rencontré. Oui. C'est sûr qu'un gars comme Richard Martel, ça peut être intéressant pour un parti politique. Par quelque part, ça va être flatteur un peu, hein? Oui, c'est flatteur. Toi, tu vas être pour moi. Je vais faire une réponse de politique, Richard. Si elle va faire une réponse de politicien, là, c'était pour Ville-Saguenay, puis je reste à Dolbeau. Fait que c'est quand même... Okay. C'est une bonne réponse de politicien, ça? Ouais, c'est sûr, c'est bon. Ben Richard, un gros merci. Bon, on va s'en reparler durant la saison. Ouais, merci. L'inspecteur chef des Marquis, tu as Richard Martin.